Carolomag numéro 295, février 2026. Au sommaire ce mois-ci, 2. L'édito de Boris Ravignon. 3. À la une, un nouveau lieu dédié aux associations et à la jeunesse. 4. Actualité. Budget participatif 2026, déposez vos idées. Dernière ligne droite pour la rénovation de l'éclairage public. 7 médaillés à l'honneur. Basilique après la charpente autour des ardoises. Une nouvelle signalétique en centre-ville. Des actions concrètes pour protéger les hirondelles. Permis de louer un nouveau dispositif pour les logements. Facture d'eau. Le CCAS renforce son soutien. 5. Rendez-vous. La reprise des marchés des producteurs de pays. Plein sens. Journée internationale des droits des femmes. Inscription scolaire. Le compte à rebours de la rentrée est lancé. Recensement 2026. Tout ce qu'il faut savoir. Nouvelles des musées. Prix BD Cabaret Vert 2026. La sélection officielle. 6. Agenda, les dates à retenir. 7. Sport, février un mois décisif pour l'étoile. Découverte sport, bouge ton hiver. La ville met les femmes en lumière. Lucas Guillet, chef de file du cercle d'escrime de Charleville-Mézières. L'agenda sportif. 8. Histoire. 16 février 1899, la mort du président Félix Faure dans L'Avis ardennais illustré, une Saint-Valentin trop fêtée. 9. Expression politique, la libre expression des groupes politiques. 2. Édito de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Friche, réparer la ville. Connaissez-vous France Titres ? Pour rappel, il s'agit du nouveau nom de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, un organisme géré par l'État, implanté depuis 2008 à Charleville et qui facilite les démarches administratives nécessaires pour obtenir carte d'identité, passeport ou carte de séjour. Or, dernièrement, France Titres a officialisé son intention de regrouper sur la friche de ville l'ensemble des activités de ses différentes antennes carolomasériennes, soit l'équivalent de 500 emplois. Cette agence aura pour voisine immédiate la troisième maroquinerie créée dans les Ardennes par le groupe Hermès. Au total, en bord de Meuse et dans un cadre verdoyant, l'ancien site de ville s'apprête à abriter près de 800 emplois. 50 logements viendront compléter la renaissance de ce quartier à deux pas de notre centre-ville. Une métamorphose du même ordre va se produire au lycée Simone Veil, fermé à l'été 2025 par la région Grand Est. Nous allons rapidement réutiliser et mettre en valeur cette friche qui va sous peu héberger trois structures, un village au sein duquel plus de 40 associations vont obtenir des locaux adaptés pour pouvoir échanger, discuter et montrer leurs projets. Notre cuisine centrale, actuellement située à la Francheville, mais qui a besoin de locaux plus professionnels pour continuer à satisfaire les enfants des écoles comme les seniors en EHPAD. Enfin, un centre de formation géré par Almea, organisme déjà présent, avenue de Gaulle. Deux sites, mais une même approche, une même obsession, réparer Charleville-Mézières, la guérir de ses friches et reconstruire la ville sur la ville plutôt que d'urbaniser de nouveaux espaces naturels ou agricoles. C'est la même démarche que nous engageons désormais sur les sites de la Manestampe ou de la Massérienne avec le concours du Cabaret Vert. 3. À la une. Un nouveau lieu dédié aux associations et à la jeunesse. Fermé à l'été 2025, l'ancien lycée Simone Veil s'apprête à connaître une nouvelle vie. Propriété de la ville, cet ensemble immobilier emblématique du quartier de la Bosse d'Étion entre aujourd'hui dans une phase de reconversion ambitieuse pensée au service des associations et du territoire. Loin d'un simple changement d'usage, le projet se veut une opportunité pour renforcer la vie associative locale. Implanté au cœur de la Bosse d'Étion, le site de près de 12 000 m² regroupe plusieurs bâtiments qui vont connaître chacun une reconversion avec notamment la création d'un pôle associatif, l'installation de la cuisine centrale et d'un centre de formation. Autant de projets structurants qui s'inscrivent pleinement dans les besoins actuels de notre ville. La création d'une nouvelle maison des associations constitue l'un des axes majeurs du projet. De nombreuses associations locales ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour investir ces nouveaux espaces. Les déménagements ont déjà commencé pour plusieurs associations comme Sésame 08, Dacapo Voce, Ardennes Endométriose, TECAP 21 Ardennes ou Courir en Ardennes, qui devraient être installées début février. À terme, ce sont une quarantaine de structures qui pourraient y trouver un lieu de travail adapté, fonctionnel et mutualisé. Les bâtiments accueilleront à la fois des espaces privatifs pour les associations et des espaces partagés tels que des salles de réunion ou des lieux dédiés à l'organisation d'assemblées générales, d'événements ou de temps d'échange. L'objectif est clair, offrir de meilleures conditions d'accueil aux acteurs associatifs tout en favorisant les coopérations, les rencontres et les projets communs. Ce pôle associatif a vocation à devenir un véritable lieu de ressources pour le quartier et pour l'ensemble de la ville, un espace vivant où s'inventent et se développent des initiatives citoyennes, culturelles, solidaires ou sportives. Le projet est également une opportunité pour la ville de développer une nouvelle cuisine centrale. L'actuelle structure, installée à la Francheville, arrive aujourd'hui en fin de cycle. La transformation de l'ancienne cuisine du restaurant scolaire du lycée permettra de créer un outil de production plus moderne, plus ergonomique et mieux adapté aux exigences actuelles. Cette future cuisine centrale continuera à assurer la préparation des repas destinés aux écoles de la ville ainsi qu'aux EHPAD. Elle s'inscrit dans une démarche de service public de proximité avec un équipement repensé pour répondre aux enjeux de qualité, d'organisation du travail et de volume de production. En réinvestissant un équipement existant, la ville fait le choix d'un projet durable qui valorise le patrimoine bâti tout en répondant à un besoin essentiel du quotidien des habitants. Enfin, une partie du projet devrait permettre au site de rester fidèle à sa vocation première, l'apprentissage, la transmission des savoirs et l'accompagnement des parcours professionnels, avec l'accueil du centre de formation Almea. Un bâtiment situé à l'arrière du site pourrait ainsi être dédié à des activités de formation, tandis que l'ancien internat serait conservé afin d'héberger des apprentis, des étudiants ou ponctuellement des travailleurs saisonniers. Cette dimension renforce l'ancrage du projet dans une logique d'avenir tournée vers l'emploi, les compétences et l'insertion. Dès l'origine, la ville a souhaité inscrire le projet dans une démarche de concertation. Habitants du quartier, assemblée des habitants auxquels le projet a été présenté en réunion publique en décembre dernier, associations et futurs usagers sont appelés à être pleinement associés aux réflexions, à commencer par le futur nom que portera ce tiers-lieu. D'autres éléments du site connaîtront également des évolutions de manière plus ponctuelle. Les anciens logements de fonction seront mis en vente. Le gymnase, quant à lui, a été proposé à une association afin de maintenir une activité sur place et de répondre à des besoins existants. Ces choix s'inscrivent dans une vision globale et équilibrée du projet qui vise à optimiser l'utilisation du site tout en restant fidèle à sa vocation d'intérêt général. Avec ce projet, la ville se dote ainsi d'un nouvel espace dédié au développement de la vie associative locale, à la qualité du service public et à la formation. Un lieu en mutation, pensé pour et avec les habitants, au service du collectif et de l'avenir du territoire. 4. Actualité. Démocratie participative. Budget participatif 2026. Déposez vos idées. Comme chaque année, le budget participatif permet de réaliser des projets proposés par les habitants pour améliorer leur quartier ou leur cadre de vie. Vous avez une idée? La campagne d'appel à projets a débuté le 1er février et se poursuit jusqu'au 30 mars. Pour proposer votre projet, plusieurs possibilités vous sont offertes. Vous pouvez faire parvenir votre idée par courriel en l'envoyant à l'adresse democratie.participative@mairie-charleville-mézières.fr ou déposer votre idée sur la plateforme du budget participatif sur budget-participatif.charleville-mézières.fr. Les projets proposés seront ensuite soumis aux assemblées des habitants et analysés par les services municipaux pour en évaluer la faisabilité technique et financière. Le service démocratie participative viendra à votre rencontre lors de diverses manifestations pour recueillir vos idées et vous accompagner dans la construction de votre projet. Vous avez une idée? N'hésitez pas à échanger avec vos animateurs de secteur afin de proposer un projet en lien avec les besoins des habitants. Voici par secteur les noms des animateurs et les adresses auxquelles vous pouvez leur communiquer vos projets. Pour le secteur 1, Manchester, Saint-Julien, Bois d'Amour, Liliane et Jackie, à l'adresse animateur au pluriel .secteur1@gmail.com. Pour le secteur 2, là où hier la Beauce d'Étion, Étion, Le Clopol, La Havetière, La Villette, Les Coteaux de Bel Air, Étion Village, Bellevue du Nord et Les Atriums, Ossine et Sylvie, à l'adresse animateur.secteur2@gmail.com. Pour le secteur 3, Mézières, Basilique, La Citadelle, Arche, Le Teux, Faubourg de Pierre, Sylvie et François, à l'adresse animateur.secteur3@gmail.com. Pour le secteur 4, Charleville-Centre, Nevers, Place du Cal, Mont-Saint-Pierre, Mont-Olympe, Marie et Mariano, à l'adresse assembleedeshabitants.s4@gmail.com. Pour le secteur 5, La Ronde Couture, La Croisette, Mohon, Boisfortan, Les Granges Moulues, Couronne Champagne, Emeline et Christophe, à l'adresse adhsecteur5@gmail.com. Économie d'énergie, dernière ligne droite pour la rénovation de l'éclairage public. La modernisation de l'ensemble de l'éclairage public carolo-massérien s'achèvera cette année, avec à la clé une baisse de sa consommation de plus de 80%. Dès 2020, bien avant la flambée des prix de l'énergie, les services techniques de la ville ont reçu pour mission de préparer et planifier la rénovation de l'éclairage public, un chantier de grande ampleur qui concerne près de 8000 points lumineux, alimentés par plus de 200 km de câbles et pilotés par 130 armoires électriques réparties sur l'ensemble de la ville. L'investissement total s'élève à 11,5 millions d'euros hors taxes, étalés sur 4 ans, soit de 2023 à 2026. Un effort financier important, mais largement justifié. Une fois les travaux terminés, soit au plus tard le 31 décembre prochain, la consommation électrique de l'éclairage public aura diminué de plus de 80%. Une baisse déjà bien engagée, puisque les améliorations réalisées ces 3 dernières années ont permis une réduction de 54%. Au 31 décembre, 5700 points lumineux avaient déjà été rénovés. Dans la plupart des cas, il s'agit de les équiper d'une ampoule LED, plus performante et plus durable, mais aussi de remplacer le mobilier par un modèle esthétiquement plus moderne. Seules exceptions dans certains secteurs patrimoniaux, comme le Courbriant ou la Porte de Bourgogne, où les anciennes lanternes ont été volontairement conservées. Toutes les armoires électriques ont également été remplacées par des équipements mieux sécurisés et plus discrets. Autre chantier, le changement des feux tricolores qui équipent 69 de nos carrefours. Leur renouvellement permet simultanément de les doter d'un dispositif sonore, facilitant les déplacements des personnes malvoyantes. Enfin, ce projet a permis de restaurer ou de créer une trame noire, des secteurs, notamment le long des bords de Meuse, où l'éclairage est volontairement plus doux et plus chaud afin de mieux respecter la biodiversité nocturne. Vœux du maire, 7 médaillés à l'honneur. La traditionnelle cérémonie des vœux du maire a été l'occasion de remettre 7 médailles de la ville, dont l'une attribuée à l'enfant terrible de Charleville-Mézières, Jérémy Ferrari. Présentation des 7 médaillés. Chirurgien vasculaire et cérébral, Abbas Alamé a été recruté en janvier 1987 par l'hôpital de Manchester. Il lui demeurera fidèle jusqu'à son départ à la retraite l'été dernier. Grâce au soutien de toute l'équipe hospitalière, il a fait partie de ceux qui ont permis à notre hôpital de devenir l'équivalent d'un CHU, pour reprendre ses propres propos. Françoise Manteau a été honorée pour la dizaine d'années passées en tant que présidente de l'espace Temps Libre Senior, ou ETLS, une association ouverte aux carolo-massériens de plus de 60 ans dont elle a repris les rênes alors qu'elle traversait une crise majeure, mais qu'elle est parvenue à sortir de l'ornière avant de céder la main tout en demeurant bénévole. Jean-Denis Leven, né à Mézières, est devenu consul honoraire de Belgique dans les Ardennes en décembre 2001, représentant ainsi les quelques 2400 Belges du département, une fonction qu'il assure toujours, même s'il vient de prendre sa retraite, après plusieurs décennies à la tête du cabinet d'assurance fondé par son père en 1946, toujours à Mézières. Josiane Goret a adhéré au cercle sportif de l'École normale en 1982 et en constitue toujours une cheville ouvrière, même si cette association est devenue l'Athletic Club, puis enfin le CMA. Plus de 40 années de bénévolat durant lesquelles elle s'est notamment occupée de la formation des jeunes athlètes ainsi que de la maintenance informatique lors des courses. Glace Martinez, gérée par Marie-Josée Martinez, société emblématique créée il y a près d'un siècle et qui se distingue, outre la qualité de ses produits, par ses célèbres fourgons Citroën que l'on retrouve à Charleville-Mézières, mais également aux abords des principaux sites touristiques ardennais. Une marque synonyme de bonheur pour de nombreux carolomacériens. Glace Roland, Ardennes Glace, représentée par Bertrand Guizzi. C'est en 1892 que la famille Guizzi a créé cette société, devenue aujourd'hui le deuxième plus important glacier de l'ex-région Champagne-Ardennes. Outre la vente ambulante, les glaces Roland fournissent grossistes, restaurants ou supermarchés et exportent certains de leurs produits. Enfin, Jérémy Ferrari a tenu à remercier les carolomacériens. « Mon premier public », dit-il. L'humoriste a rappelé ses premiers pas au théâtre de Charleville sous la houlette de Bruno Nion. « J'avais 16 ans et c'est là que j'ai vraiment réalisé que je me sentais plus chez moi sur scène que nulle part ailleurs. Je suis un enfant du pays et ravi de vous faire coucou », a-t-il précisé. Patrimoine. Basilique après la charpente autour des ardoises. Malgré quelques épisodes météo corsés, le chantier de restauration de la basilique de Mézières franchit étape après étape. Dernière en date, le début de la mise en place de la couverture en ardoise. On savait dès le départ que ce chantier hors norme pouvait être un peu bousculé par la météo, et on n'avait pas tort. Rodolphe Giesinger, l'architecte du patrimoine chargé de la restauration de la basilique de Mézières, dont le clocher montrait d'inquiétants signes de faiblesse, aurait presque le sourire pour évoquer les coups de vent qui ont secoué les Ardennes ces derniers mois. Il y en a eu surtout deux sévères, le dernier début janvier, avec vent, neige et température glaciale, rappelle-t-il. Pas l'idéal pour travailler en hauteur et à l'air libre, malgré la protection assurée par la bâche. Pourtant, les maçons, charpentiers et désormais couvreurs qui interviennent sur place, tous compagnons du devoir et habitués à mener à bien ce type de chantier de restauration du patrimoine, ont déjà accompli de la belle ouvrage. La pose de la nouvelle charpente de la flèche est actuellement en voie d'achèvement, reprend l'architecte. On a également procédé à la pose de grandes lucarnes au pied de cette flèche, ce qui permet depuis fin janvier l'intervention des couvreurs, chargés pour leur part de mettre en place la couverture d'ardoise. Ils ont commencé par le bas de la flèche et progressent vers le haut qu'ils devraient atteindre en mai. Dans le même temps, ils accrochent les ornements en plomb, bandeaux et autres corniches façonnés pour l'occasion. Pour rappel, le chantier de restauration de la basilique doit s'achever en juin 2027. Grâce à l'implication de la Fondation du patrimoine, c'est une somme de plus de 55 000 euros qui a déjà été récoltée, à laquelle il convient d'ajouter les 235 000 euros apportés via le loto du patrimoine de Stéphane Bern. Souvent attachés à leur patrimoine et à son entretien, les carolomacériens se montrent attentifs au chantier de la basilique. Et logiquement, lorsqu'ils voient le vent déchirer la bâche, censée protéger le clocher durant sa restauration, ils s'inquiètent. « Je les comprends », répond Rodolphe Giesinger, « même si ces déchirures prouvent au contraire que tout va bien. En cas de fort coup de vent, le pire qui pourrait arriver serait en effet que cette immense bâche fasse voile et que sous la pression, elle déséquilibre le haut du clocher, raison pour laquelle elle est conçue pour céder au vent et se déchirer dès que ce dernier atteint 90 km/h. » Aménagement. Une nouvelle signalétique en centre-ville. Pour valoriser les commerces et services, la ville déploie une nouvelle signalétique piétonne au cœur de Charleville-Mézières. Pensée pour les habitants comme pour les visiteurs, la nouvelle signalétique piétonne vise à rendre le centre-ville plus lisible. Installés au point stratégique, les panneaux indiquent les principales destinations, telles que les rues commerçantes, les équipements publics, les lieux culturels ou encore les parkings ou la gare, avec des temps de parcours exprimés en minutes. Une manière simple et concrète d'encourager la marche et de mieux appréhender les distances réelles entre les lieux. La démarche accorde une attention particulière au commerce local. Les activités sont regroupées par grandes catégories, alimentation, restauration, mode, service, culture ou encore santé, afin d'offrir une lecture améliorée de l'offre commerciale. En orientant naturellement les flux piétons vers les rues commerçantes, cette signalétique contribue à renforcer l'attractivité et la fréquentation du centre-ville. Le design des panneaux a été conçu en cohérence avec l'identité urbaine de Charleville-Mézières. Couleurs, typographie et matériaux s'inscrivent dans la charte de mobilier urbain, garantissant une intégration discrète et qualitative dans l'espace public. Environnement, des actions concrètes pour protéger les hirondelles. Espèce emblématique de nos paysages, l'hirondelle est aujourd'hui menacée par la raréfaction des sites de nidification et la disparition des insectes dont elle se nourrit. Afin de contribuer à sa protection, Charleville-Mézières s'engage à travers plusieurs actions. Dans ce cadre, 50 nichoirs à hirondelles seront répartis dans toute la ville en partenariat avec Nature et Avenir, soit 10 nichoirs par secteur. Destinés à leur offrir les conditions indispensables pour vivre et se reproduire, ces nids participent activement à la protection de la biodiversité locale. Une fois installés, l'Association de protection de l'environnement en assurera le suivi afin de proposer des éventuels ajustements et améliorer l'attractivité de ceux qui ne seraient pas occupés. En complément, des ateliers pédagogiques de fabrication de nids d'hirondelles seront proposés au sein de la serre citoyenne les mercredis 11 et 18 février de 10h à 15h en collaboration avec l'atelier thérapeutique de Bel Air. Réalisés à partir de paille et d'argile ou plâtre, ces nids participeront activement à la préservation de l'espèce. Ces démarches s'inscrivent dans un objectif de protection d'une espèce fragile et protégée. Il est rappelé que, conformément au Code de l'environnement, la destruction des nids d'hirondelles est strictement interdite, qu'ils soient ou non occupés. Si vous souhaitez participer à cette action, deux options s'offrent à vous. Pour bénéficier d'un nichoir à hirondelles, contactez le 03 24 32 40 96. Pour vous inscrire à l'atelier de fabrication de nids, contactez le 03 24 32 40 90. Pour rappel, trois espèces d'hirondelles sont présentes sur Charleville-Mézières, l'hirondelle rustique, l'hirondelle des fenêtres et l'hirondelle des rivages. Habitat. Permis de louer, un nouveau dispositif pour des logements de qualité. Dès le 17 avril 2026, le permis de louer entre en vigueur dans certains quartiers de Charleville-Mézières. Cette autorisation préalable vise à garantir des logements décents et sécurisés pour tous. Propriétaire, vous êtes concerné? Voici tout ce qu'il faut savoir pour louer en toute conformité. Dans certains quartiers, la ville instaure le permis de louer pour garantir que chaque logement mis en location respecte les normes de décence et de sécurité. Cette mesure distingue les propriétaires consciencieux, largement majoritaires, des quelques bailleurs proposant des logements indignes. Inscrit dans la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové de 2014, connu sous le nom de loi Allure, ce dispositif protège les locataires, valorise le patrimoine et améliore l'attractivité du territoire. Le permis de louer s'applique aux logements de plus de 15 ans en habitation principale dans trois secteurs. Le secteur piétonnier, soit Place Ducale, rue Bourbon, Dumoulin, de la République. Le centre de Mézières, concernant les rues Monge, Bayard et la Place du Château. Et Mohon, Place de Mohon, rue Étienne Dolé, Jean Moulin et Victor Hugo. Une carte interactive est disponible sur le site de la ville à l'adresse charleville-mézières.fr/permis-2-louer. Sont concernés les propriétaires bailleurs privés, gestionnaires de biens et agences lors d'une mise en location ou d'un changement de locataire. Sont exclus du dispositif les renouvellements de bail, locations saisonnières, logements conventionnés par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, et les bailleurs sociaux. Le propriétaire dépose le formulaire CERFA 15-652-01 avec le dossier de diagnostic technique par courrier, en mairie ou par mail à l'adresse permis-de-louer@mairie-charleville-mézières.fr. Il reçoit un récépissé sous 15 jours. Rappelons que le dossier de diagnostic technique regroupe DPE, état des risques, diagnostic électricité-gaz, plomb, amiante et assainissement. Un technicien organise ensuite une visite de contrôle pour évaluer la sécurité et la salubrité du bien. La ville notifie ensuite sa décision par arrêté. Trois cas de figure existent. Soit l'accord est attribué pour 2 ans, l'autorisation doit alors être jointe au bail. Soit l'accord est émis sous réserve, 2 mois sont alors accordés pour réaliser les travaux et fournir les justificatifs de ces travaux. Soit l'accord est refusé avec obligation de travaux avant nouvelle demande. Les dépôts seront possibles dès le 17 mars 2026, soit 1 mois avant l'entrée en vigueur le 17 avril 2026. Pour les biens conformes, cette démarche reste une simple formalité valorisant votre engagement. Louer en conformité protège vos locataires et valorise votre bien. La ville vous accompagne à chaque étape. En cas de non-respect, les sanctions vont jusqu'à 5 000 euros d'amende sans autorisation, 15 000 si la mise en location est effectuée malgré un refus. Plus d'informations au 03 24 32 42 75 ou encore par mail à l'adresse permis-de-louer@mairie-charleville-mézières.fr. Facture d'eau, le CCAS renforce son soutien aux carolomacériens. Le bon Solidarité Eau évolue pour mieux soutenir les personnes en activité aux revenus modestes. Depuis octobre 2023, le dispositif Bon Solidarité Eau, né d'un partenariat entre Ardennes Métropole et le CCAS, permet d'aider les foyers rencontrant des difficultés pour régler leurs factures d'eau. Ce coup de pouce financier peut prendre en charge jusqu'à 80% du montant de votre facture. Jusqu'à présent, cette aide était réservée aux ménages disposant d'un reste à vivre de 10 euros par jour et par personne. Depuis le 1er février, ce seuil est porté à 15 euros. Les objectifs sont d'élargir l'accès à ce dispositif pour inclure les personnes en emploi à faible revenu et les classes moyennes modestes. Ces ménages, bien que insérés professionnellement, sont souvent les premiers touchés par l'augmentation des fluides, tout en étant parfois exclus des dispositifs de solidarité classiques. Pour prétendre au bon Solidarité Eau, il convient de prendre rendez-vous avec le CCAS pour une étude personnalisée et de remplir les conditions suivantes. Être titulaire d'un contrat individuel d'eau actif auprès d'Ardennes Métropole. Présenter une facture impayée de moins de 6 mois. Résider à Charleville-Mézières. Avoir un reste à vivre inférieur ou égal à 15 euros après calcul de vos ressources et charges et instruction de votre demande par le CCAS. Pour plus d'infos, composez le 03 24 32 45 40 ou encore adressez un mail à l'adresse aide@ccas-charleville-mézières.fr. À vos pinceaux. Au club senior de Moncy-Saint-Pierre, rue L'Étrange, chaque mercredi après-midi, Charles Hénon transmet avec patience et passion son savoir-faire de peintre confirmé aux seniors qui souhaitent apprendre à peindre ou se perfectionner. Ces ateliers apportent de belles satisfactions à leurs participants. Une exposition en octobre 2025 au sein du CCAS avait permis de mettre en lumière la grande qualité de leurs travaux. L'expérience sera renouvelée. Alors si vous souhaitez rejoindre cet atelier, n'hésitez pas, vous y serez accueillis dans la joie et la bonne humeur. 5. Rendez-vous. Commerce, la reprise des marchés des producteurs de pays, Après une courte pause en janvier, les marchés des producteurs de pays reviennent à Charleville-Mézières. Même rythme, même lieu, les producteurs locaux vous donnent rendez-vous tous les deuxièmes vendredis du mois sur la place du Cal et tous les troisièmes vendredis du mois sur la place de l'Hôtel de Ville. Vous allez pouvoir retrouver les habituels produits du terroir, produits laitiers, viande, œufs, légumes et fruits de saison, miel, jus ou encore charcuterie ardennaise. Une belle occasion de consommer des produits de saison, de favoriser des circuits courts et de soutenir les producteurs du cru. À consommer sans modération. Marché des producteurs de pays sur la place du Cal, vendredi 13 février de 15h à 19h. Place de l'Hôtel de Ville, vendredi 20 février de 15h à 19h. Autre rendez-vous, place Beauchard à la Ronde Couture les dimanches de 8h à 13h. Au marché couvert, rue du Daga les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h. Place de l'Hôtel de Ville les mercredis de 8h à 13h et place de Mohon les vendredis de 8h à 13h. Spectacle plein sens. Tendez l'oreille pour vous émerveiller devant la beauté des sons avec le festival 100% famille plein sens du 3 au 8 février. Au programme, spectacle, boom, installation, atelier, jeu et bien d'autres surprises. De 6 mois à 3 ans, l'Opéra de Reims propose Et hop, une immersion auditive, sensorielle et visuelle dans l'univers de l'opéra. Mercredi 4 février à 15h et 16h30 à la MCL Ma Bohème. De 3 à 10 ans, Robo révèle une construction plastique et sonore qui titille votre imagination. Samedi 7 février à 10h et 11h30 à l'ESNAM. Dès 6 ans, Barcella, le chanteur amoureux des mots, vous embarque dans un conte musical poétique avec Tournepousse. Samedi 7 février à 13h30, départ à vélo du Mont Olympe pour un convoi festif avec Ma Ville à vélo 08 et samedi 7 février à 15h, spectacle Tournepousse au TCM, suivi d'un goûter offert. Dès 6 ans, les sons s'invitent à l'écran avec Des bruits en pagaille. Découvrez une sélection de courts-métrages explorant l'univers fascinant des bruits et de la musique. Dimanche 8 février à 11h au TCM. Dès 6 ans, venez vous dépenser sur le dance floor avec Turbominus. Dimanche 8 février à 15h au TCM. Tout le week-end au TCM, explorez le zygophone, un dispositif floral interactif et amusez-vous avec des jeux musicaux. Plus d'informations tcm.charleville-mézières.fr. Solidarité, la Journée internationale des droits des femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville et ses nombreux partenaires vous proposent un programme varié d'animations et de rencontres. Conférences, lectures, projections et spectacles, de nombreuses actions vous attendent autour de la date du 8 mars. Parmi elles, on peut noter les animations sportives, participatives et éducatives proposées le samedi 7 mars à la salle du Bois Crancé par le service des sports. Une journée reggae dub féminine le dimanche 8 mars au Forum ou encore une visite guidée le dimanche 8 mars au musée de l'Ardenne. Découvrez le programme plus en détail dans le Carolomag de mars et sur www.charleville-mézières.fr. La pellicule ensorcelée vous donne rendez-vous le vendredi 6 mars à la médiathèque Voyelle pour une soirée festive et engagée où cinéma, musique et performance se répondent pour célébrer les créations féminines et libres sous toutes leurs formes. Cette année, carte blanche est donnée à la réalisatrice Lucie Borleteau qui a imaginé aux côtés de l'équipe de la pellicule ensorcelée une soirée sensible, libre et plurielle à l'image de son cinéma. Intitulée « Liberté chérie, je crie ton nom », cette édition 2026 s'annonce résolument multidisciplinaire. Courts-métrages, performances artistiques, DJ set, buvettes et surprises composeront un parcours artistique ouvert à toutes et tous, en collaboration avec la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité des Ardennes. Inscription scolaire, le compte à rebours de la rentrée est lancé. Depuis le 2 février, la ville a ouvert les inscriptions scolaires et périscolaires pour l'année 2026-2027. Famille de nouveaux arrivants, parents de futurs écoliers ou de futurs élèves de CP, voici le mode d'emploi pour anticiper cette étape clé avant la date butoir du 29 mai. Si le chemin des écoliers semble encore loin, c'est pourtant dès l'hiver que se joue la prochaine rentrée. À Charleville-Mézières, la campagne d'inscription pour l'année scolaire 2026-2027 vient tout juste de démarrer. Ces démarches concernent trois profils d'enfants bien précis, ceux nés en 2023 qui feront leur première entrée en maternelle, les élèves passant au cours préparatoire, le CP, et enfin les nouveaux résidents qui s'installent dans la cité de Rimbaud. Pour ce faire, deux possibilités. Ou bien sur Internet en téléchargeant les documents nécessaires à l'inscription sur le site www.charlevillemézières.fr, rubrique « Vivre à Charleville-Mézières, école maternelle et élémentaire ». Une fois le dossier complété, renvoyez-le par mail à inscriptionscolaire@mairie-charleville-mézières.fr. Soit sur place en prenant rendez-vous par téléphone au 03 24 32 42 83 avec le service enseignement situé à l'hôtel de ville de Mézières. Contrairement à l'inscription scolaire automatique d'une année sur l'autre, hors passage en CP, les services périscolaires, cantines, garderies et accueil du mercredi exigent un renouvellement annuel obligatoire. Pour inscrire votre enfant à ces services, trois possibilités s'offrent à vous. En ligne sur l'espace famille à l'adresse www.espace-citoyen.net/cmz. Connectez-vous à votre espace perso, créez une inscription dans la rubrique « Ma famille » et laissez-vous guider. Par courriel, en téléchargeant les documents nécessaires sur l'espace famille. Une fois le dossier complété, renvoyez-le à perisco@mairie-charleville-mézières.fr. Enfin, sur place, en déposant le dossier complet au service accueil famille du périscolaire à l'hôtel de ville, du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Recensement 2026, tout ce qu'il faut savoir. Depuis le 15 janvier, une partie de la population carolo-massérienne fait l'objet d'une campagne de recensement qui se déroulera jusqu'au 21 février 2026. Le recensement n'est pas qu'une formalité administrative obligatoire, c'est un outil indispensable pour déterminer le nombre officiel d'habitants de Charleville-Mézières. Ces chiffres ont un impact direct sur les dotations financières versées par l'État à notre commune, l'adaptation des services publics aux besoins réels de notre population, mais aussi les décisions d'aménagement et d'investissement pour l'avenir. En répondant au recensement, vous participez donc activement à la construction de politiques publiques adaptées à notre ville. Dans les faits, l'un des agents recenseurs de la ville se présentera chez vous, muni de sa carte officielle et vous remettra un questionnaire que vous pourrez remplir ensemble. Si vous le préférez, vous pouvez renseigner le formulaire seul et le renvoyer au service citoyenneté situé place de l'hôtel de ville ou bien encore répondre en ligne en toute sécurité via le site www.le-recensement-et-moi.fr. Vous pourrez vous connecter avec les identifiants et la notice qui vous auront été remis par l'agent. Pour rappel, les données transmises sont confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, méfiez-vous des sites qui pourraient vous demander un paiement. Plus d'informations par téléphone au 03 68 89 04 80 ou par mail à l'adresse recensement2026@mairie-charleville-mézières.fr. Nouvelles des musées. Bonaventure Fiolien, le pèlerin de la beauté. Du 12 février au 24 mars 2026 au musée de l'Ardenne, à la salle d'exposition temporaire. Le musée de l'Ardenne consacre une exposition à Bonaventure Fiolien, 1903-1976, prêtre franciscain et artiste au parcours hors du commun. Ce peintre, graveur, écrivain et éditeur a développé une œuvre abondante et originale, inspirée aussi bien par la spiritualité que par les paysages et les portraits. Formé à Bruxelles, Fiolien choisit après la Seconde Guerre mondiale de s'installer à Regnovez, au cœur des Ardennes. Dans le prieuré qu'il restaure, il crée un lieu foisonnant de création et de rencontres, accueillant artistes et intellectuels, et y produit des milliers d'œuvres, gravures, peintures, fresques ou livres illustrés. L'exposition plonge les visiteurs dans un univers riche, peuplé de scènes bibliques, de personnages de littérature, d'arbres majestueux, de nus et de paysages ardennais. Elle met en lumière un style expressif et épuré, nourri d'influences variées, impressionnisme, expressionnisme, recherche cubiste, que l'artiste dépasse pour élaborer un langage personnel. Cette exposition vous invite à découvrir une œuvre à la fois spirituelle et charnelle, donnant naissance à des images d'une grande intensité et un créateur libre dont l'art fut un véritable pèlerinage de la beauté. Plus d'informations au www.museart.fr. Horaire d'ouverture du mardi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h30, le samedi et le dimanche de 14h à 17h30. L'accès est libre. Sélection officielle du prix BD au Cabaret Vert. Le festival a le plaisir de dévoiler la sélection officielle du prix BD Cabaret Vert 2026. Fidèle à ses engagements, ce dernier met à l'honneur des albums qui allient art narratif et réflexion autour de la transition écologique et du développement durable. Le prix BD Cabaret Vert distingue chaque année des œuvres qui, chacune à leur manière, explorent des thématiques essentielles pour notre époque. À travers cette sélection 2026, le festival réaffirme sa volonté de mettre en lumière des créations qui interrogent, sensibilisent et émerveillent tous les publics. La remise des prix se déroulera lors du Cabaret Vert, du 20 au 23 août 2026, un rendez-vous culturel majeur pour le territoire. Trois catégories sont en lice. Dans la sélection BD Cabaret Vert, Impact, par Olivier Norek et Frédéric Pontarolo, aux éditions Michel Lafon. Un récit ambitieux explorant les répercussions de nos choix individuels et collectifs sur l'environnement. Les poissons, eux, ne pleurent pas, par Jean-Denis Pendanx et Laurent Galandon, aux éditions Daniel Maguen. Une BD qui traite du déséquilibre causé par l'installation d'une usine sur une plage de Gambie. Les papillons ne meurent pas de vieillesse, par Mats et Bézian aux éditions Casterman, une fable poétique autour de la fragilité du vivant. Nouveauté, le prix Cabaret Vert sera décerné par les lecteurs. Pour voter pour votre BD préférée, rendez-vous sur cabaretvert.com. La sélection jeunesse, pensée pour inspirer et sensibiliser les jeunes lecteurs, vous propose également trois albums. Étincelle, par Berdal et Lhermenier aux éditions Jungle, une aventure pleine d'optimisme sur la découverte de soi et de la nature. Anta, les voies de l'océan, par Gaspard Talmas, Anaël Hermans et Nourd Diop aux éditions Delcourt, un voyage aux allures de fable humaniste qui met au premier plan la relation de l'humain à la nature. Golem Nani, par Rachel Zimra aux éditions Dracou, une histoire étonnante sur le deuil, l'amitié et les poules. Enfin, la sélection Connaissances valorise des œuvres didactiques qui enrichissent les connaissances du lecteur autour des grands défis environnementaux. Champ de bataille, par Inès Leroux et Pierre Vanov aux éditions Delcourt, une analyse d'une intelligence critique impressionnante à propos d'un des plus grands bouleversements sociaux de l'histoire contemporaine. On a mangé la mer, par Maxime Delisle et Olivier Martin, chez Futuropolis, une investigation graphique de l'impact humain sur les milieux marins. Traversée, de Lucas Valéry, aux éditions La Boîte à Bulles, est un récit passionnant qui aborde une réalité tragique avec un savant dosage d'émotion et d'humour. Ce festival est créé en collaboration avec le Conseil départemental des Ardennes, la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale des Ardennes et avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles. Plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cabaretvert.com. Agenda. Février. Mardi 3 février à 19h, projection Vivante à la médiathèque Voyelle, organisée par Stop la haine de l'autre. Mardi 3 février à 19h30, projection Pompei sotto le nuvole de Gianfranco Rossi au cinéma Métropolis par Figli del Gonzaga, les enfants de Gonzague. Jeudi 5 février à 19h, assemblée générale de l'association Ardennes Endométriose à l'hôtel de ville de Mézières. Vendredi 6 février à 20h30, concert Christophe Moniaud et Didier Itursari à l'auditorium du Conservatoire par Charleville Action Jazz. Plus d'infos à l'adresse www.charlevilleactionjazz.com. Vendredi 6 à 16h et samedi 7 à 9h, portes ouvertes au lycée Monge. Samedi 7 février à 9h, portes ouvertes au campus Supardenne. Samedi 7 février à 14h30, conférence 25 000 km à pied sur les chemins de pèlerinage Quatrain après Quatrain de Jean-Pierre Musialowski. À la maison diocésaine Jules Bierry, la conférence sera précédée à 9h30 de l'Assemblée générale de l'association RP08. Samedi 7 février à 20h, concert Hellscape Golatus Is à la MCL Mabohème, organisé par l'Assos Tartare et les droits de l'OHM. Samedi 7 février à 20h30, soirée années 80. Réservation 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00. Samedi 7 et dimanche 8 février à 9h, 41e exposition avicole au Parc des Expositions. Samedi 7 et dimanche 8 février à 10h, Carolo Flash Week à la Salle Nevers, organisée par l'association Mets l'ambiance. Dimanche 8 février à 14h, repas dansant de la Saint-Valentin avec Dany Daniel, à la Salle Arc-en-Ciel, organisée par Le Teux Loisirs Club. Réservation au 03 24 37 14 17. Lundi 9 février à 17h, atelier Qigong à la MCL Mabohème. Réservation au 03 24 54 22 26 ou par mail à l'adresse alzheimer08@orange.fr. Mercredi 11 et 18 février à 10h, atelier Nid d'Hirondelle à la Serre Citoyenne. Réservation et information au 03 24 32 40 90. Jeudi 12 février à 19h, soirée Booster les Ardennes à la Maison de l'Ardenne, organisée par la Jeune Chambre économique en Ardennes. Vendredi 13 février de 15h à 19h, marché des producteurs de pays à la place du Cal. Vendredi 13 février à 19h30, concours de belote organisé par le Club des aînés de Manchester. Le concours se déroulera à la salle Guy Canon. Réservation au 06 01 71 51 19. Samedi 14 février à 13h30, disco année 80-2025 à la salle Guy Canon, organisée par le Club des aînés de Manchester. Réservation au 06 24 18 41 66 ou au 07 82 70 07 92. Samedi 14 février à 20h30, soirée Valentine's Day. Infos et réservations 75forestavenue.com ou par téléphone au 03 24 55 00 00. Dimanche 15 février à 12h, loto organisé par le Club des aînés de Manchester à la salle Guy Canon. Réservation au 06 24 86 57 14. Vendredi 20 février de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Dimanche 22 février à 14h, après-midi dansant avec Epsilon, infos et réservations 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00. Samedi 28 février à 9h, Ripper Café chez Josette, organisé par Ripper Café Les Noutons. Réservation www.ripercafé.org. Samedi 28 février à 20h30, concert Bonéem, organisé par Ardennes en Seine au Parc des Expositions. Pour la prévente, adressez-vous à Manchester Bar. Mars. Dimanche 1er mars à 14h, après-midi dansant avec Joe Cinta et Claudie. Réservation 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00. Vendredi 6 mars à 19h30, soirée Liberté chérie, je crie ton nom, organisée par la pellicule ensorcelée en collaboration avec la DRDFE des Ardennes, à la médiathèque Voyelle. Vendredi 6 mars à 20h30, soirée I Love Beatles. Réservation 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00. Baryonnettes, jeudi 12 février à 18h au Quai de la Maline et à 20h à la Bourbonnade, Brexit Baby par Phoebe Enfield Lockhart de Grande-Bretagne. Une fable politique et clownesque, une comédie absurde sur un sujet toujours brûlant d'actualité. Un spectacle joué en bar pour une mopette et une comédienne fraîchement diplômée du Master Marionnette de Mons en Belgique. Entrée libre, tout public dès 12 ans. Atelier Mopettes et Bunraku du mercredi 18 au vendredi 20 février de 9h30 à midi et de 14h à 16h30 à l'ESNAM, 16 avenue Jean Jaurès, avec Juliette Pascal, Muppets en Craft et Marionnette Bunraku. Fabriquez votre propre Muppet avec une bouche articulée. À l'aide de papier craft, les jeunes participants construiront des visages d'animaux, d'humains ou totalement imaginaires. Puis, nous y ajouterons un corps et nous amuserons à le manipuler à plusieurs. C'est la technique du Bunraku. En explorant les mouvements de ces marionnettes, naîtront différents personnages, différentes personnalités que les participants mettront en scène à travers de courtes scénettes. 20 euros les trois demi-journées, matin 9h30 à midi pour les 8-10 ans et les après-midi de 14h à 16h30 pour les 10-13 ans. Pour participer, les inscriptions sont obligatoires, soit par téléphone au 03 24 59 70 62, soit par mail à l'adresse cecile.purière@marionnette.com. Restitution de fin de stage le jeudi 19 février à 19h au Théâtre de l'ESNAM, 16 avenue Jean Jaurès. Les étudiants de la 14e promotion de l'ESNAM, deuxième année donc, présenteront le fruit du travail mené au cours des deux semaines de stage consacrées au Théâtre d'Ombre sous la direction de Fabrizio Montecchi, Italie. L'entrée est libre sur réservation au 03 24 33 72 50. 1000 premiers jours à la médiathèque Porte-Neuve, 8 places de la préfecture. Éveil musical le samedi 14 février à 10h30 pour les petits de 3 mois à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 18 février à 10h. De la naissance à 3 ans. Peinture suédoise, samedi 21 février à 10h, de 18 mois à 3 ans. Mes premières dents, mardi 24 février à 15h, de la naissance à 3 ans. Motricité libre, vendredi 27 février à 9h15, de la marche à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 14 mars à 10h, de la naissance à 3 ans. À Manchester Lecture, 24 rue Jean Rollin, Bébé Gym, vendredi 6 février à 10h, de 15 mois à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 18 février à 9h, de la naissance à 3 ans. Massage bébé, le mardi 24 février à 9h30, de la naissance à 12 mois. À la Houillère Lecture, 88 Albert Poulain, Info allaitement, mardi 3 février à 10h, de la naissance à 3 ans. Art-thérapie, mercredi 4 février à 9h30, à l'attention des futurs jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Snuzzelen, mercredi 4 février à 15h, pour les futurs jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Chant prénatal, mardi 10 février à 9h, pour les futurs jeunes parents, avec ou sans bébé. Lire avec bébé, mercredi 11 février à 9h30, de la naissance à 3 ans. Portage bébé, vendredi 13 février à 9h15, de la naissance à 3 ans. Bébé gym, vendredi 20 février à 10h, de 15 mois à 3 ans. Snuzzelen, lundi 23 février à 10h, futurs jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Baby yoga, samedi 28 février à 9h30 et 10h30, de 3 à 18 mois. Snuzzelen, mercredi 4 mars à 15h, futurs et jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Pour toutes les activités, les inscriptions sont obligatoires, soit par téléphone au 03 24 32 44 96 ou au 03 24 32 41 71 ou par mail à l'adresse 1000 en chiffres pj@mairie-charleville-mézières.fr. Au théâtre de Charleville-Mézières, confidence d'un illusionniste le mardi 10 février à 20h, spectacle de magie-mentalisme par Rémi Larousse. Le mentaliste lève le voile sur les coulisses de sa discipline. À travers des expériences étonnantes, il joue avec le désir de découvrir tout en célébrant la force du mystère, l'envie de croire et la curiosité de savoir. Pour un public à partir de 10 ans. Également au TCM, La Bête Noire et Petite Reine, le mardi 3 mars à 20h, spectacle de cirque par la compagnie L'Oublié, dans le programme de la Journée internationale des droits des femmes. Deux portraits intimes de femmes de cirque en clair-obscur. À travers ce diptyque sensible et physique, complétant ces spectacles collectifs, dont La Chute des Anges et Un contre un, accueillis au TCM, Raphaël Boitel convoque un cirque sans détour qui questionne nos luttes intérieures et notre besoin de liberté, pour un public dès 10 ans. Autour du spectacle, mardi 3 mars à 18h30. Favorisez la mobilité douce pour vous rendre au TCM avec un convoi festif depuis la Maison du Vélo, en partenariat avec Ma Ville à Vélo 08. Informations sur le site de la ville à l'adresse www.charleville-mézières.fr ou à la billetterie du TCM au 03 24 32 44 50. Les marionnettes off, nouvelle année, nouvelle saison culturelle. Charleville-Mézières ouvre officiellement sa saison des marionnettes du off au Forum le mercredi 11 février à 10h et à 16h avec le spectacle Nona Don't Cry de la compagnie Dirtz Théâtre. Ce spectacle invite le spectateur à s'infiltrer dans l'esprit d'une femme prise dans un va-et-vient constant entre vieillesse et jeunesse, entre imaginaire et réalité. Un hommage poétique aux différents âges de la vie. À partir de 6 ans, durée 20 minutes, danse et marionnettes portées, billetterie libre au profit de la compagnie, dans la limite des places disponibles. La réservation est proposée en ligne 15 jours avant sur www.charleville-mézières.fr/calendrier/mof. Vous pourrez également vous procurer vos billets sur place 15 minutes avant le début du spectacle. Informations par téléphone au 03 24 32 44 40 ou par mail à l'adresse culture@mairie-charleville-mézières.fr. Le Forum propose Charleville-Mézières tombe amoureuse du punk. Attention, le spectacle est d'ores et déjà complet. Oubliez les roses et les chandelles. Le samedi 14 février, c'est en riff, en pogo et en décibels que se fêtera la Saint-Valentin à Charleville-Mézières. La salle du Forum affiche complet pour une soirée punk explosive, organisée en partenariat avec la ville de Charleville-Mézières, preuve du dynamisme culturel local et du soutien affirmé aux musiques actuelles. Merci à Arden Rock et au public ardennais, le Forum s'apprête à vivre une soirée mémorable avec une affiche survoltée, avec les Ramoneurs de Menhir, 8 degrés 6 crew et Guillotine. À Charleville, l'amour ne se murmure pas. Il se crie, guitare saturée à fond. Sept, sport. Basket, février, un mois décisif pour l'Étoile. Le mois de février marque la fin des matchs retour de la première phase du championnat. Une période charnière pour l'Étoile où chaque rencontre compte et où le soutien du public sera plus que jamais essentiel pour pousser le groupe à se dépasser. La deuxième phase se profile avec une probable place en poule basse de National 1, synonyme de lutte pour le maintien. Dans ce contexte, les deux derniers matchs à domicile revêtent une importance capitale. Face à Berck et au Pays Salonnais, concurrents directs, l'enjeu est clair, engranger des victoires précieuses, conservées pour la suite du championnat face aux équipes de la même poule. Deux rendez-vous clés pour préparer l'avenir et lancer la deuxième phase dans les meilleures conditions. Vendredi 6 février, Étoile Berck à 20h, vendredi 20 février, Étoile Pays Salonnais à 20h. Rendez-vous également le dimanche 15 février au Parc des Expositions de Charleville-Mézières pour le loto de l'Étoile. L'inscription est gratuite sur réservation par mail à l'adresse marketing@etoile-charleville.fr. Toutes les infos sont disponibles sur le site www.etoile-charleville.fr. Événement. La ville met les femmes en lumière. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le service des sports de la ville organise l'événement Femmes en lumière le samedi 7 mars entre 13 et 18 heures à la salle du bois Crancé. Anciennement intitulé Un temps pour elles, ce rendez-vous a pour objectif de sensibiliser le public à l'histoire des femmes et à leurs combats, passés comme actuels. À travers des animations sportives et des ateliers ludiques proposés par les associations sportives des Ardennes, l'événement met en avant le sport comme vecteur d'engagement et de citoyenneté. Au-delà de l'incitation à la pratique sportive, Femmes en Lumière vise à promouvoir la diversité dans le sport, l'égalité entre les femmes et les hommes et la solidarité autour des droits des femmes. Ouvert à toutes et tous, cet événement se veut convivial, intergénérationnel et citoyen, mêlant sport, culture, échange et bonne humeur. Il réservera également quelques surprises, notamment l'intervention d'une figure féminine reconnue. Découverte sport, bouge ton hiver. Les vacances approchent et l'heure est venue de bouger et de tester de nouvelles activités. Du 16 au 27 février, le service des sports propose aux enfants de 6 à 13 ans l'opération Découverte Sport Hiver, du lundi au jeudi de 14h à 16h et les vendredis de 9h30 à 16h. Au programme, des activités ludiques et sportives, encadrées par nos éducateurs et pour faire le plein d'énergie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février. Attention, le nombre de places est limité. Plus d'informations au 03 24 55 60 82. Escrime, Lucas Guillet, chef de file du Cercle d'escrime de Charleville-Mézières. Âgé de 20 ans, Lucas Guillet, pensionnaire de l'INSEP, prestigieux institut national du sport, de l'expertise, de la performance, s'impose comme un ambassadeur de choix pour la cité de Rimbaud. Par ses performances de haut niveau, il contribue au rayonnement de Charleville-Mézières en France comme à l'international dans la discipline du sabre, l'une des trois armes de l'escrime. Son parcours, déjà remarquable, ne fait que commencer. En décembre dernier, Lucas figurait à la 16e place du classement national senior, 3e chez les moins de 23 ans, 6e français dans la perspective des sélections européennes et mondiales senior 2026. Côté compétition, Lucas enchaîne les performances. Le 10 janvier 2026, il s'est classé 135e sur 176 lors de la Coupe du monde de Tunis en Tunisie. En décembre, il a terminé 20e au championnat de France élite à Paris et 39e sur 217 au Grand Prix international d'Orléans. À l'automne 2025, lors de la Coupe du monde d'Alger, il a pris la 45e place sur 203. Avant de devenir finaliste de la Semaine du Sabre à Charleville-Mézières. Le 24 janvier dernier, Lucas a participé à une nouvelle étape de Coupe du Monde à Salt Lake City aux États-Unis. Les 8 et 29 mars prochains, il pourrait être sélectionné pour d'autres compétitions internationales majeures prévues à Padoue en Italie, Athènes en Grèce ou Budapest en Hongrie. Bravo Lucas! L'agenda sportif. Football. Samedi 7 février, Varennes, 14h30, Okpam contre Magny, U18-R1. Samedi 14 février, Petit-Bois, 18h, Okpam contre Vimy, N3. Samedi 21 février, Varennes, 14h30, Okpam contre Amnéville, U18-R1, Salengro, 20h, Entente contre FC Portien, D1. Dimanche 22 février, Poterie, Prix, 14h30, Okpam B contre Val-de-Laine, R2, Varennes 15h, FCCM contre Les Ayvelles, D3, Emmler 15h, EMCCM B contre Joigny, D3, Salengro 15h, Entente B contre Charleville, Franco-Turc B, D3. Dimanche 1er mars, Varennes 12h30, EMCCM contre Okpam, Féminine Marne-Ardennes, Poterie, Prix, 15h, Okpam, C contre Entente, D1. Emmler, 15h, EMCCM contre Liard, Signy, D1. Salengro, 15h, Charleville, Franco-Turc contre FC Pixien, D2. Levé de rideau à 13h avec l'équipe B des Franco-Turcs contre FCCM, D3. Banette, 15h, Leteux contre Donchery, D3. Basketball féminin, samedi 7 février, Bayard, 14h, FCBA contre Doutlenheim, U15 Grand Est, Bayard, 17h15, FCBA contre Bourges, N2, Guinguette Arena, 20h, FCBA contre Toulouse, Wonder League. Samedi 14 février, Guinguette Arena, 20h, FCBA contre Lyon, Wonder League. Et enfin, samedi 28 février, Bayard, 17h15, FCBA contre Paris, N2. Basketball masculin, vendredi 6 février, Guinguette Arena 20h, Étoile contre Berck, N1. Dimanche 8 février, Dubois-Crancé, 14h, Étoile contre Souffel-Weyersheim, U18 Grand Est, levé de rideau à 12h30 pour les U15, Grand Est, Étoile contre Strasbourg. Samedi 14 février, Dubois-Crancé, 20h, Étoile contre RCB, Pré-National. Dimanche 15 février, Dubois-Crancé, 13h, Étoile contre Bérennes, U18 Grand Est. Vendredi 20 février, Guinguette Arena, 20h, Étoile contre Pays Salonnais, N1. Handball féminin, samedi 14 février, Campus Supardenne, 18h, MCHB contre Tessy, Marne-Ardennes. Rugby, dimanche 8 février, Vouziers, 15h, Ardennes Rugby contre Saint-Louis, R2. Dimanche 1er mars, Vouziers, 15h, Ardennes Rugby contre Saint-Dizier, R2. 8. Histoire. 16 février 1899, la mort du président Félix Faure dans La Vie ardennaise illustrée. Une Saint-Valentin trop fêtée? En 1897, la presse ardennaise s'enrichit d'un nouveau titre satirique, La Vie ardennaise illustrée, dont l'unique ambition est d'amuser par le crayon et par la plume. Hebdomadaire à ses débuts, le journal traite dans son numéro 90, du 11 au 18 février 1899, de la mort du président Félix Faure. En cette semaine de Saint-Valentin, le journal osa-t-il l'humour, credo proclamé par son fondateur, Tristan de Piègne, alias Charles Bosseux? C'est ce que nous allons voir. La petite histoire de la République est émaillée de plusieurs épisodes scabreux liés à la vie cachée des dirigeants du pays. Avant qu'un président ne s'en aille livrer au petit matin les croissants à sa dulcinée ou qu'une épouse cachée se révèle sur la tombe d'un autre président socialiste, la mort du président Félix Faure, sixième président de la Troisième République entre 1895 et 1899, dans les bras de sa maîtresse au palais de l'Élysée, fit grand bruit dans l'opinion publique française. Entre componction et amusement, la presse se fit largement l'écho de cette affaire de mœurs. Une belle occasion pour les journaux satiriques d'exercer leur plume irrévérencieuse. Dans les Ardennes, la vie ardennaise illustrée fait de l'événement la une de son numéro 90. La première page du numéro est occupée par un grand dessin du buste du défunt président. Sobre, le visage grave, le portrait montre un homme d'État digne, en responsabilité, marqué par les tensions de son mandat. La crise de Fashoda avec la perfide Albion, les prémices du boulangisme ou encore l'affaire Dreyfus qui déchire la France. La une de la vie ardennaise illustrée est au final très convenue. Le dessin fut quasiment repris à l'identique par le Petit Journal dans son supplément du dimanche du 26 février 1899 ou par le Figaro dans son édition du 17 février. À l'inverse, d'autres journaux se montrent plus explicites pour évoquer ce trépas insolite. Le Progrès illustré ou l'Illustration propose des dessins de presse sur les ultimes moments du président avec la fatale maîtresse et son directeur de cabinet à son chevet. Le Journal du Peuple explique dans son édition du 18 février que Faure est mort, je cite, « d'avoir trop sacrifié à Vénus », tandis que l'infortunée Marguerite, Meg Steinheil, gagne le sobriquet de « la pompe funèbre ». La vie ardennaise illustrée consacre deux colonnes à l'évocation de la vie du défunt président. Le contenu de cet article est plutôt décevant pour un journal satirique. Le journaliste dresse un portrait flatteur du président, vantant les mérites d'un autodidacte issu du monde ouvrier et parvenu au plus haut sommet de l'État. Tout au plus, le plumitif souligne-t-il une vie faite de voyages et de bonheur, loin des tumultes de la vie politique intérieure. Il est vrai que depuis la constitution Grévy de 1879 et l'institution du monisme parlementaire, le président sous la Troisième République ne conserve qu'un rôle de représentation. Tout au plus, retrouve-t-on dans le texte une allusion à une fin soudaine liée à un mal soudain. On s'étonne dès lors du choix de la rédaction de ne pas insister davantage sur les circonstances cocasses de cette mort. En revanche, l'image du père de famille frappé au milieu des siens dut faire sourire un lectorat sûrement friand de bons mots. Un esprit grivois verrait par ailleurs dans le choix du vocabulaire de l'auteur quelques allusions salaces à peine voilées dans la prose du journaliste. Lorsque celui-ci évoque Faure, se pénétrant de son rôle après avoir manié, je cite à nouveau, de rudes outils ou encore le bourgeois en habit noir aux pompes orientales. La proximité de la date du trépas de Félix Faure avec celle de la Saint-Valentin pouvait offrir un rapprochement facile pour un bon mot, l'humour. Or, il n'en est pas question dans l'article de la Vie ardennaise illustrée. Héritière des Lupercales romaines, la fête des amoureux est célébrée le 14 février en l'honneur de Valentin de Terni, évêque martyrisé au IIIe siècle et désigné comme le saint patron des amoureux par le sulfureux pape Alexandre VI Borgia au XVe siècle. La pratique de l'échange de billets doux et de cadeaux semble attestée dès le XIVe siècle en Angleterre. Le silence du journal ardennais sur ce hasard du calendrier ne doit rien à un quelconque raidissement des mœurs dans la France de la fin du XIXe siècle. L'époque et le mois de février sont toujours propices au défoulement, ainsi que l'atteste l'édition du Petit Ardennais des 14 et 15 février 1899, dans laquelle pas moins de 3 balles organisées pour la fête de Mardi Gras sont annoncées. Les raisons du silence sur la Saint-Valentin dans le journal ardennais sont plus sûrement liées à la posture laïcarde adoptée par la République et une partie des médias pour laïciser la société française. Les lois Ferry ont, dès 1881-82, proclamé l'école gratuite, laïque et obligatoire. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1898 avec Waldeck-Rousseau ravive les crispations autour de la question de la laïcité face aux congrégations. Aussi n'est-il point opportun dans les colonnes de la Vie ardennaise illustrée de trop insister sur une scansion du temps appuyée sur le calendrier des saints chrétiens. La fête du Mardi Gras, elle aussi inscrite dans le calendrier grégorien, est en revanche plus consensuelle par sa dimension carnavalesque. Toutefois, l'autocensure de la rédaction de la Vie ardennaise sur la fête de la Saint-Valentin, prive le journal d'un article plus transgressif, conforme à la ligne éditoriale revendiquée par Charles Bosseux. Traité de manière irrévérencieuse de la mort cocasse du président Faure à l'aune de la Saint-Valentin aboutit donc à une impasse. Cette singularité relevée dans le premier journal satirique ardennais renvoie, derrière l'aspect trivial de l'événement, au contexte de crise morale de l'époque. Pourtant, ce n'est pas le moindre des paradoxes que de constater que la fête même du Saint des Amoureux embarrasse l'Église elle-même, qui supprima cette célébration du calendrier liturgique en 1969, année érotique si l'on en croit Serge Gainsbourg. Aujourd'hui, le 14 février est la fête des saints Cyrille et Méthode. Quoi qu'il en soit, et pour revenir au président Faure, Saint-Valentin fêté avec trop d'ardeur ou trahison d'un cœur malade, n'est-il pas de plus belle fin que celle de mourir d'aimer, comme se plaisait à chanter Charles Aznavour? Voici le texte de l'annonce de la mort du président de la République Félix Faure par le maire de Charleville, Edmond Boucher-Leheutre, publié dans le Petit Ardennais, les 14 et 15 février 1899. Maire de Charleville à Monsieur le Président du Conseil des ministres, Paris. Au nom de la municipalité et de la population de Charleville, Ardennes, j'ai l'honneur de vous exprimer les profonds et unanimes regrets que nous cause la mort si brusque et si impressionnante du vénéré président de la République, et je vous prie de vouloir bien présenter à Madame Félix Faure notre respectueuse sympathie et nos bien vives condoléances pour le grand malheur qui la frappe. Cet article est signé Philippe Moyen de la Société d'Histoire des Ardennes. 9. Expression politique. La tranquillité avant tout, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. À la mi-janvier, j'ai pris un arrêté municipal imposant aux nouvelles épiceries situées rue du Moulin et de Mantoue de cesser leurs activités chaque soir de 22h jusqu'au lendemain 8h, cela du jeudi au samedi inclus. Partout en France, les centres-villes voient fleurir des établissements de ce type qui officient en même temps et sur le même périmètre avec le même créneau affiché, celui du citadin qui rentre tardivement chez lui et s'aperçoit qu'il lui manque une boîte de haricots verts pour son repas du soir. Charleville-Mézières n'y fait pas exception puisqu'une bonne demi-douzaine de ces épiceries ont vu le jour en quelques mois, toutes situées à proximité immédiate de la place du Cal. Or, force est de constater que la tranquillité des carolomacériens est régulièrement remise en cause en raison des attroupements nocturnes qui se forment aux abords de ces épiceries qui concentrent les nuisances. Ces troubles réguliers à l'ordre public se traduisent par des rixes, des dégradations, des tags, des stationnements illicites, des nuisances sonores. Et visiblement, les températures hivernales ne découragent pas les participants. La dernière bagarre s'est produite fin décembre. Si vous avez dans vos connaissances une personne habitant rue du Moulin où se trouvent regroupés plusieurs de ses commerces, demandez-lui son ressenti. Face à cette situation inacceptable, j'ai tout d'abord interdit la vente nocturne d'alcool par le biais d'un premier arrêté municipal, rapidement relayé par un second arrêté de même nature, mais cette fois préfectoral. Cette mesure n'étant visiblement pas suffisante pour régler le problème, je viens donc d'interdire l'ouverture de ces épiceries la nuit, du jeudi soir au dimanche matin. Comme cela a été le cas à la Houillère l'été dernier, avec un café associatif dont l'existence remettait régulièrement en cause la quiétude du quartier, j'ai la ferme intention d'utiliser pleinement tous les moyens placés à ma disposition, qu'ils soient policiers, judiciaires ou administratifs, pour assurer 24 heures sur 24 la tranquillité de tous les carolomacériens où qu'ils habitent. Et il en sera ainsi tant que je serai maire de Charleville-Mézières. Environnement et jeunesse, un avenir à dessiner plus clairement, par Anne Papier pour la liste Une ville pour tous. Depuis près de 10 ans, en tant que maire de Charleville-Mézières et président d'Ardennes Métropole, Boris Ravignon a porté des projets sur le développement urbain, l'attractivité culturelle ou la transition énergétique. Si ces initiatives montrent une volonté d'évolution, le bilan concret en termes d'écologie réelle et de perspectives pour la jeunesse reste mitigé et demande une réorientation plus profonde. Sur le plan énergétique, la ville s'est dotée d'équipements ambitieux comme le réseau de chaleur ou la rénovation du siège d'Ardennes Métropole. La municipalité a investi dans la végétalisation de cours d'école. Cependant, plusieurs enjeux essentiels restent insuffisamment traités. La transition écologique est trop technique et pas assez sociale, ni pensée comme une démarche globale conditionnant l'ensemble des choix municipaux. C'est une nouvelle manière d'aborder la politique qui doit être instaurée. Si les équipements publics deviennent plus verts, la transformation n'a pas encore produit d'effets significatifs sur le quotidien des carolomacériens. On espère une réduction notable de la pollution des quartiers, des plans globaux comme les îlots de chaleur ou la structuration d'une mobilité douce réellement efficace, avec des pistes cyclables sûres, des transports gratuits ou fortement subventionnés pour les jeunes. Trop souvent, les actions écologiques sont centrées sur des bâtiments ou des projets ponctuels sans stratégie d'ensemble qui répondent aux urgences climatiques et sociales. La politique de nature en ville peine à produire des espaces publics réellement inclusifs, ombragés et biodiversifiés, indispensables face aux épisodes de chaleur extrême que connaissent régulièrement nos communes et qui vont s'aggraver. On s'interroge sur les choix budgétaires. La municipalité a récemment décidé de prolonger la durée de conservation des images de vidéoprotection de 15 à 30 jours pour un coût de plus de 40 000 euros pour la ville afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes policières. Si la sécurité est évidemment une préoccupation légitime, ce choix budgétaire donne l'impression d'une priorité donnée au contrôle plutôt qu'à l'investissement social, éducatif et environnemental qui aurait un impact plus structurel sur la tranquillité publique. La participation jeunesse dans l'évolution de la ville et sa co-construction écologique est insuffisante. Les jeunes carolomacériens ne sont pas encore assez associés aux décisions qui façonneront leur avenir, alors que la jeunesse est la partie de la population qui subira le plus les conséquences du dérèglement climatique et des transformations économiques. Lors de récentes concertations régionales, les jeunes ont été invités à imaginer leur territoire en 2041 autour des questions climatiques, d'accès aux loisirs et à l'emploi, ou encore de mobilité durable. Cette démarche nécessite un prolongement concret incarné par la ville elle-même. Il est urgent de construire une politique globale de développement de la nature en ville, d'organiser des mobilités douces accessibles et sécurisées, une éducation environnementale active et d'impliquer les jeunes dans un projet écologique complet pour la ville. La vraie fausse piétonnisation de la place du Cal par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Le maire l'a confirmé lors du conseil municipal de novembre, malgré les promesses répétées de notre édile, la place du Cal ne sera pas piétonnisée, sinon épisodiquement. Comme nous l'écrivions ici en avril, cette affaire de la piétonnisation de la place du Cal est abracadabrantesque, jugez-en. Sur le site de la ville, le 1er septembre 2024, on lit « Depuis le 3 mai 2024, la place est passée dans sa seconde phase de piétonnisation. Jusqu'au 13 octobre, elle sera piétonne 7 jours sur 7. Puis, à partir du 12 novembre et jusqu'à la fin décembre, elle reprendra un rythme semi-piéton, circulation autorisée de la rue du Petit Bois à la rue du Moulin. Puis, dans le Carolomag de mars 2025, d'avril à fin mai, piétonnisation les week-ends du vendredi 18h au lundi 6h, avec parfois extension au vendredi midi, puis 2 juin à fin septembre, piétonnisation 7 jours sur 7, et enfin d'octobre à fin décembre, piétonnisation suspendue, sauf pendant le marché de Noël. Finalement, la place du Cal n'a pas été piétonnisée pendant ce marché de Noël. Les piétons devaient pendant cette période rivaliser avec les automobiles, le terre-plein étant occupé et que dire des handicapés en fauteuil pour qui la place devenait inaccessible. Sur la partie pseudo-piétonne de la rue du Petit Bois, c'est pire. Les piétons doivent tenter d'éviter les voitures et les vélos qui circulent dans les deux sens, dans cet espace conçu pour être piéton et beaucoup trop étroit pour constituer une zone de rencontre. On nous présente comme une poursuite de la dynamique de piétonnisation, une régression des plages piétonnes de notre place emblématique. On ne comprend rien, ni au projet, ni au calendrier. Il est impossible d'installer des habitudes. Pourtant, Le résultat de toutes les études l'indique, en particulier celle de l'Agence de l'énergie et de la maîtrise de l'environnement, l'ADEME, la piétonnisation bénéficie au commerce du centre-ville. Il est inutile de singer les centres commerciaux périphériques. Les clients préféreront toujours l'original à la copie. Le centre-ville doit jouer une autre carte, celui de l'art de vivre, celui de l'apaisement, celui de la piétonnisation. Les clients l'indiquent en masse. Les freins au commerce en centre-ville sont dus à l'omniprésence de la voiture. Pourtant, la vieille doctrine du « no parking, no business » revient en force. Au XXe siècle, un important commerçant Carolo Masserien défendait que la fin du stationnement sur le terre-plein de la place Ducale sonnerait la fin du commerce Carolo. On croirait nos élus revenus à professer ces vieilles lunes. Le maire, reniant ses promesses, a donc cédé au lobbying. Pourtant, la multiplication inquiétante des vitrines vides, la croissance exponentielle ces temps-ci de la vacance commerciale au centre-ville, devrait l'inciter à plus d'audace et moins de renoncement face à la pression. Si ce n'était pas le cas, nous aurions bientôt un centre-ville sans commerce où la priorité aux véhicules motorisés bénéficiera surtout à la ribambelle des camions de livraison acheminant des marchandises acquises sur Internet. À quand un référendum sur une réelle piétonnisation de notre place ?